est fier de vous présenter le programme suivant. Bon nombre de soucis, alors optez pour l'Aspiro 2000. Très silencieux, il saura vous faire aimer les tâches ménagères. Vous ferez ainsi mordre la poussière à la poussière. Aspiro 2000, et vos soucis s'en iront en poussière. De votre mari éternellement insatisfait? Alors optez pour le nouveau Magnum 357.